La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Oh! croire. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Thank you. numéro 6, cantique numéro 6. Adieu. Adieu, sois gloire, ma sauvante amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Seigneur Jésus, Jésus, béni C'est quel numéro à la fin? 27, 37, 37. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun de mon frère préféré. Au nom de Christ, mort pour nous, quel bonheur! Choisis lequel? 223. 223. C'est fort. Alléluia. Amen. Numéro 223. À Jésus, Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me no. Fils entendez, comptons sur lui des bonheurs. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Suis-je en paix et la lumière, mon chancel les battants gris, où ce chant est changé en prière, si l'horizon s'assombrit, comptons sur lui des bonheurs, tant que dure le combat, que l'on vit, l'on vit, ou que l'on meurt, comptons sur lui. Lui tout est là, comme approuve ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais compte et que sur lui comptons sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Amen. Amen. Amen. J'aime mon papier. Cœur nouveau, dans mon cœur, plus voix est nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne. Son père est descendu ici bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Lui, roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus mère au bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au oh oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus mère au bonheur suprême, la Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut. Pour moi coupable, pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Sorti de la tombe, voir à l'agneau divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus mère au bonheur suprême, la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus mère au bonheur suprême, la Bible me le dit. Je redirai toujours le dilette amour

Amen. Amen. Amen. Et quoi, c'est l'occasion d'apprendre maintenant quand vous ne savez pas, laissez les autres chanter quand vous suivez. Donc chantez ça même trois fois jusqu'à ce que vous vous arrivez, d'accord? Allez-y, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est ah. Qui coordonne? Non, laissons la sœur. La sœur Manuela. Allons-y. Okay. Vous suivez son rythme. C'est ça. Chantez pour moi sur le calvaire. Non. Quand vous ne connaissez pas, non, mentez pas la voix. Allons-y, toi et moi chantons. Écoutez très attentivement. Allons-y. Proséculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Non, non, non, j'ai dit ne chantez pas, c'est elle de moi qui chante. Écoutez, c'est le rythme. Si on descend, vous allez monter, ça va créer une discussion. D'accord, on y va. C'est qui dit, il y a la chanson. Proséculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu vois mes luttes et ma douleur. Proséculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Proséculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Calvaire, Calvaire.